L'Interpro, moi j'ai pas été à l'Interpro, mais c'est une rencontre d'appareils syndicaux qui essaye de développer une lutte interprofessionnelle. L'Interlutte, c'est il y a que des gens enfin, qui sont là en tant qu'individus, il n'y a pas d'organisation qui dit être partie prenante de l'Interlutte, même s'il y a beaucoup de gens qui sont organisés. Et voilà, non, du coup, ça... L'Interpro, du coup, a été organisé par des syndicats. Ouais. Et alors, ça se faisait où? Ça s'appelle ça, mais c'est un peu plus complexe, parce qu'en fait, c'est délégué. L'Interpro, c'est un délégué par secteur. Dans les délégués, il y a des non-syndiqués, mais il y a aussi des syndiqués qui obéissent au contrat et des syndiqués dissidents, en fait. C'est le bordel. L'Interlutte, c'est juste un lieu. C'est un lieu de rencontre entre tous les gens qui luttent sur Toulouse et qui veulent faire des trucs ensemble. Quel que soit, justement, il n'y a pas de ligne politique parce que c'est pas clair. Bon, il en sort, il s'en dégage quelque chose qui ressemble à la culture libertaire, mais pas de refus des centrales syndicales, pas de refus des appareils politiques, etc. Mais c'est vraiment un lieu où se croisent des individus autour d'actions. Il y a eu pas mal de trucs, d'ailleurs. Il y a eu un blocage de Virgin le samedi d'avant Noël, donc la plus grosse journée. Il y a eu un blocage de Medica, il y a eu une autoréduction. Il y avait un péage gratuit qui était organisé qui n'a pas été fait à cause du manque de personnes. Enfin bon, il y a toute une série d'actions qui se sont montées. Vraiment, le but, c'est de se retrouver autour de ces actions-là et autour de cette assemblée générale. Parce que l'idée, c'est de montrer aussi que la population de Toulouse peut se retrouver dans un lieu et décider elle-même de la manière dont elle a envie de discuter de tout, de la gestion de la ville, de la gestion du travail, de tout quoi. Je présentais l'Interlutte, c'était surtout pour nous, parce que j'ai l'impression qu'il y a une culture libertaire forte ici. Plus on sera nombreux là-dedans et plus on luttera contre les divisions à l'intérieur du mouvement libertaire, plus on sera fort, je crois. Et je dis ça parce que je suis au Guignol. On était un peu perdu entre l'Interlutte et l'Interpro, moi, je voudrais revenir sur un point constructif, positif. Enfin, l'Interlutte, je pense personnellement que ça peut déboucher sur quelque chose de très positif. Mais bon, ça, l'avenir nous le dira. Mais sur l'extension des luttes, je trouve que c'est fondamental, quoi. Et c'est de la culture de lutte, hein. Je veux dire, c'est des trucs qui sont a priori assez anciens, mais tout le monde n'a pas cette culture de lutte et on en apprend tous les jours. Mais sur l'extension des luttes, de bouger, de ne pas s'enfermer dans une usine. Il y a le problème du blocage à la fac, par exemple, de ne pas s'enfermer non plus, de ne pas avoir comme obsession le blocage et de s'enfermer dans une fac. Et à ce sujet-là, c'est très intéressant parce que c'est archi d'actualité. Enfin, je parle dans les dernières années, il y a eu cette problématique-là. Bon, a priori, il y a pas mal de gens là qui arrivent au constat qu'effectivement, le blocage, c'est un blocage qui doit permettre de bloquer la fac pour pouvoir justement favoriser la mobilité des personnes en lutte, c'est-à-dire inviter les gens. Je croyais au départ que Interlutte c'était ça, mais ça y ressemble aussi un petit peu. Mais c'est-à-dire que d'inviter les gens de l'extérieur de la fac à la fac et que les étudiants sortent de la fac pour aller au devant des usines ou des précaires ou etc. des pôles emploi, etc. Et à ce sujet-là, j'ai deux exemples à donner qui sont quand même à mon avis très intéressants. Un des trucs qu'il faut absolument faire favoriser en ce moment, c'est ce qui s'est fait avec les étudiants, justement, les 200, il y a deux semaines, ils sont allés à 200 Airbus faire un barrage ralentissant, un barrage filtrant, et ils ont bloqué, donc, ils ont bloqué avec le dialogue, en discutant avec les gens, avec un tractage, les étudiants ont discuté avec les ouvriers d'Airbus, 3 jours plus tard. On peut dire que c'est pas de cause à effet, mais moi je le pense. Je veux dire, 3 jours plus tard, il y a eu une grève, un débrayage chez Airbus. Voilà, et les ouvriers d'Airbus ont distribué des tracts avec marqué auto-organisation dessus. C'est pas non plus anodin, quoi. Je veux dire, il y a des possibilités aujourd'hui de débordement parce que les gens, ils sont comme nous. On est des gens et on est tous tout à fait capables de comprendre petit à petit les tenants et les aboutissants des courroies de transmission des directions syndicales parisiennes. On comprend comment ça fonctionne. On apprend petit à petit qu'ils sont subventionnés en grande partie par l'État, qu'ils prennent le petit-déj tous les 4 matins avec Sarko, etc., etc. Ou avec Mitterrand ou avec les autres, je m'en fous. Mais le problème, c'est que le plus de gens... Oh, il est mort, lui, mais bon, c'était pareil. Voilà. Donc ça, ce serait une action quand même excellente, l'histoire d'Airbus. Et ça, c'est un truc vraiment réitérer le plus possible, le plus qu'on peut. Maintenant, il y a un problème par rapport à ça, c'est qu'il y a eu un manque de communication par rapport à ça. Et c'est dommage. Il faut, si on fait des actions qui sont bonnes, il faut essayer, puisque c'est la bataille des idées, il faut essayer de diffuser, de propager le plus possible les idées qui se font, les pratiques, etc. Et c'est un réflexe à acquérir petit à petit, encore une fois, mais le plus vite possible, ce serait mieux, de diffuser le plus possible sur Internet ou dans la rue, dans les tracts, pour dire voilà, on a fait ça. Parce que si ça avait été vraiment bien propagé, ce barrage filtrant à Airbus par les étudiants de la fac du Mirail de Toulouse, eh ben, si ça avait été tout de suite mis sur le net, eh ben, peut-être que d'autres facs. C'est comme ça que ça vient, c'est ni plus ni moins comme ça. Peut-être que d'autres facs auraient fait la même chose ailleurs parce que des individus auraient entendu le truc, leur auraient proposé un AG, etc. Ben, c'est pas, ça tombe pas du ciel. Bon. Et le deuxième truc là-dessus, c'était ce qu'on fait les gens de la fac de Caen. Les gens de la fac de Caen, on a eu là sur le forum de la CNTIT, pub, on a eu un compte rendu donc des compagnons de la CNTIT de Caen qui nous disaient que les étudiants sont sortis justement de l'université et ils sont allés au devant dans Caen. Ils sont allés au devant de plusieurs, le jour même, c'était une balade dans la rue, une balade donc pas déclarée en préfecture évidemment. Et ils sont allés au devant de plusieurs boîtes où ça chauffait. Et ben ils ont eu, ils ont même eu des ouvriers qui sont, parce qu'il y a donc eu des AG qui se sont créés dans les rues de Caen, devant les boîtes en question, Valéo, etc., etc. Et il y a eu des gens d'autres boîtes qui ont su qu'il se passait quelque chose, qu'il y avait une effervescence à ce moment-là. En l'occurrence, tu disais tout à l'heure EDF, ben c'était des techniciens d'EDF qui sont venus avec leur bagnole et tout, et qui sont venus d'eux-mêmes dans ces points de discussion. Donc il y a plein de choses à tenter là, et l'extension des luttes d'aller vers les autres, ça paraît le truc évident à faire en ce moment. Parce que ça marche. Bon, j'ai fini. Ah. Moi j'ai encore une question. Attends, je te note. La jeune fille là-bas. Oui. Ah. C'est un peu compliqué, je trouve, parce qu'on passe de l'annonce d'idées à des exemples pratiques. En fait, moi, j'ai demandé la parole parce que ce qui m'a fait bip un peu dans l'exposé, c'est le déclencheur révolutionnaire. Parce qu'au final, c'est ça qui est le plus compliqué, je trouve. C'est-à-dire que tous, dans notre expérience de militant, on a vécu des situations, on se dit, là, on y est. Ou alors, oui, on est dans une phase où les gens, ils mettent en pratique des idées hyper libertaires, ils savent pas que ça s'appelle comme ça, mais on fonce et tout. Et puis tout ça fait un peu pauvre à chaque fois. C'est-à-dire c'est un temps, un instant. Et lui, il parle de la nécessité. C'est-à-dire le déclencheur révolutionnaire vient de la nécessité. Et quand tu parlais du fait de rester enfermé dans ces lieux, le problème c'est que si ma nécessité, je la vis dans le lieu qui m'identifie comme exploité, à ce moment-là, j'ai tendance à rester dans ce lieu-là. Et donc effectivement, je ne suis plus concernée dès l'instant où je ne suis plus moi dans ma nécessité. Et c'est ça qui, à moi, me pose le plus de problèmes, puisque j'ai fait partie de plusieurs endroits où il y avait des identifications d'exploité, les gens se mettaient en œuvre, voilà, et à un moment donné, cette nécessité, elle n'existait plus. Alors, bon, ben, chacun repartait. Et tout à l'heure, quand tu disais, mais tant mieux qu'ils partent en Bulgarie, en Syrie, tout ça, on sera encore plus exploité sur Terre. Oui, mais en même temps, ça change complètement ce talent de la nécessité. Et moi, ce talent de la nécessité, je ne le vois pas bien. C'est-à-dire que quand il dit le déclencheur révolutionnaire, c'est la nécessité, moi je me dis, eh oui, effectivement, à un moment donné, on se met vraiment en action parce qu'on a besoin de bouger, quoi, parce qu'on n'en veut plus de ce qu'on vit. Mais le talent est tellement différent. Selon les gens, et ça renvoie après à qu'est-ce que j'invente et qu'est-ce que je ne peux que reproduire, puisqu'au final, on ne fait que ce qu'on sait. Pour faire quelque chose d'autre que ce qui existe déjà, il ne faut pas faire, il faut chercher. Et après, ça pose la nécessité, la mise en action et l'efficacité. Parce que si je suis partie d'une nécessité qui fait que je ne vais pas bien, je veux aller bien. Je veux rétablir l'équilibre. Donc je veux être efficace, je veux que ça aille vite. Et donc je me raccroche à ce que je connais. Et à un moment donné, c'est toujours cette question-là. Je me mets un acte, mais le but, ce n'est pas d'aboutir, c'est de chercher. Parce que si je veux que aboutir, ben voilà, il y a tous les schémas, c'est très religieux. Enfin, après, la religion, elle peut être politique, économique, psychanalytique, tout ce qu'on veut. Mais il y a les réponses écrites. Et donc, je vais m'y accrocher en espérant que ça aille plus vite. Et donc, c'est là-dessus, je trouve que c'est pas... Enfin, on est un peu tous dans la mélasse. Parce que c'est ce truc-là qu'on rate à chaque fois. Le déclencheur révolutionnaire, le fait qu'à un moment donné, on puisse se sentir... concerné et moi pas satisfait d'une misère qui se propage comme ça, où j'ai l'impression que le talon il baisse, et la victoire de l'esprit, ok, mais pas dans du bavardage. C'est des idées en mouvement, des idées en acte, des idées mais concrètes. Et je crois qu'il y a des choses qui nous échappent. Et après on va râler, moi je suis pour la mise en action localement, c'est-à-dire là où je vis, j'agis, là où je vis, j'ai prise. Mais après, je ne peux pas courir partout pour aller voir et dire ouais, moi je fais ça là, et pourtant, il faut qu'on arrive à se mettre en l'air, mais il faut trouver autre chose que de courir partout. Parce qu'on ne peut pas le faire parce qu'on le fait. Voilà, à mon avis. C'est vrai que la question de la révolution, surtout sur la qu'on ne soit pas comme une recette, ou comme l'action d'un groupe armé, minorité, agissante ou autre, pose des questions énormes. Et historique. Elle ne peut se résoudre que dans le temps. Elle ne se résoudra pas forcément de notre vivance. C'est vrai qu'on a envie de voir la révolution, qui est plus juste, d'accord. Mais ce n'est pas forcément notre ressort. Tout ce qu'on peut faire, c'est contribuer au mouvement qui va vers ça. Il y a un mouvement qui est déterminé par des conditions historiques. Et qui a des exigences au niveau non pas de trouver des solutions pour résoudre les problèmes, mais de faire en sorte que ce soit l'ensemble de la classe qui se dégage des pièges que lui tend la bourgeoisie. Nous, on sait parfaitement que les syndicats, les gauchistes, sont des ennemis. Si on le prend abruptement, on va dire mais il suffit de les liquider. Et puis, ils nous feront du mal à la place du non, mais ben, on sait qu'il y a des anarchistes qui se sont attaqués à ça dans le temps. Oh, il n'y a pas que d'anarchistes. C'est une idée qui a déjà mis. On sait que ça ne donne rien. L'autre idée, ça a été celle qui avait lieu au début du siècle, de penser qu'il suffisait de prendre le pouvoir et que, puisque les gens qui étaient honnêtes prenaient le pouvoir, mais ils allaient faire la révolution pour tout le monde. On sait ce que ça donne. Ça donnait la pire contre-révolution de l'histoire. Ça nous amène à ce que développe Pankouf, c'est que c'est l'ensemble de la classe ouvrière qui doit réellement, à travers les débats, à travers les discussions, à travers la confrontation, à travers les actions, parce que les actions... Dans les conseils ouvriers, il n'y a pas que de discussion. Toute discussion est suivie d'une décision. Les décisions, la classe ouvrière peut se tromper. L'avantage qu'il y a dans le système de conseil, c'est qu'une erreur est immédiatement soumise à la critique, puisqu'elle est immédiatement rediscutée. C'est ce qui a fait avancer énormément, en très peu d'années, la révolution russe, qui a permis quand même de détruire l'appareil d'État de la bourgeoisie. C'était quand même quelque chose d'énorme. Il ne faut pas la regarder, la révolution russe, avec les yeux dogmatiques. Il faut la regarder comment elle s'est passée réellement. L'effervescence énorme de vie et de créativité qu'il y a eu. Effectivement, il faut l'identifier. Il faut qu'on arrête de raisonner avec les idées qu'on nous a mises. Comment se débarrasser des syndicats? C'est vrai, les ouvriers critiquent les syndicats, ils les voient déconner. Ils les voient agir contre eux, et tout ce qu'ils trouvent, c'est à tomber dans un autre syndicalisme. C'est parce qu'en fait, la critique qu'il faut faire, ce n'est pas la critique des syndicats, c'est la critique du syndicalisme. Donc ça commence par la critique des syndicats. Alors, effectivement, des actions comme celle que disait le camarade tout à l'heure vont tout à fait dans ce sens-là. Il y a deux ans, quand il y avait une appel, c'était à la fac. Il y avait la grève des cheminots. Il y a bien des étudiants qui sont allés aux assemblées générales du cheminot. Et ils ont été très bien accueillis. Ils ont dû passer par-dessus les syndicats. Et les oubliés qu'il y avait dans l'Assemblée générale ont insisté pour qu'ils les laissent parler. Quand ça a été décidé à l'Assemblée générale, quand ils ont posé cette action en Assemblée générale, ensuite, tu devais dire, qu'est-ce qui a été que les étudiants aillent, que l'Assemblée générale envoie des délégués à l'Assemblée générale des cheminots. Les gauchistes ont sauté sur l'occasion, les syndicats. Et ils ont envoyé quoi? Ils ont envoyé une délégation syndicale pour discuter avec la délégation syndicale. Et c'est là qu'il faut faire pression. Mais tant que les ouvriers n'auront pas compris ça, on n'a pas d'autre solution. Il faut qu'on leur fasse comprendre. Et le fait qu'ils voient les syndicats se dresser devant eux est quelque chose qui les aide à comprendre. Donc il faut faire des propositions dont on sait que les syndicats vont s'opposer à eux. Allez voir. Allez faire une assemblée générale des ouvriers de Vigo. Qu'est-ce qu'ils ont fait il y a 4 ans? Ils ont fait une assemblée générale au milieu de la rue, sur la place centrale de la ville. Vigo, c'est pas Castres, c'est une grande ville. Ils ont fait l'assemblée générale comme s'il y avait fait de place du Capitole. Ça a été un moment extraordinaire. La lutte a été battue, mais ça a été un moment extraordinaire. Tout le monde participait à cette putain d'assemblée générale. Pas seulement les ouvriers qui étaient en grève, mais toute la population, tous les ouvriers des autres usines se sentaient concernés par le mouvement. Il a fallu que le syndicat fasse des prouesses, effectivement, pour arriver à vaincre ce truc. Et surtout, il a fallu que ça venait un moment où il n'y avait pas de lutte dans d'autres villes en Espagne. C'est ce vaste mouvement où les grèves éclatent ici et là, éclatent de plus en plus parce que la crise économique nous frappe tous. C'est ce vaste mouvement, cette effervescence énorme et ces tentatives d'unité qui vont créer cette nécessité. Parce que ce n'est pas que la nécessité au niveau individuel, c'est aussi la nécessité sociale. Non pas la convergence des luttes, mais la recherche d'unification des luttes va faire en sorte que cette nécessité soit comblée, et de toute façon, ça ne se fera pas avant la révolution finale. Nous ne pouvons pas déduire jusqu'à là, nous ne montrons que des défaites. Le prolétariat est la seule classe qui ne connaîtra que des défaites jusqu'à la révolution finale. C'est pour ça. Parce que chaque fois, on retombera, et c'est notre combat. Alors. Non, c'était une question. Et c'était pour savoir, parce que là aussi, il faudrait que l'information aille dans le sens des étudiants. C'est-à-dire que si là, à la prochaine AG, on dit que l'action des étudiants a eu un effet à un but, c'est pour ça qu'il faudrait des détails un peu plus de ce qui s'est passé vraiment. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu une distribution de tracts, il y a eu une grève, pas de la totalité. Il y a eu une grève. Je suis Airbus. Après Airbus, les travailleurs, qu'est-ce qu'ils ont fait en conséquence, Eh bien, ils ont débrayé le lundi matin suivant sur la chaîne de montage de la 320. Voilà. Alors qu'ils avaient eu des primes conséquentes. Ils avaient eu 1600 et 400. Qu'est-ce qu'ils ont fait un débrayage spontané, ce qui est Airbus, ça se vient un peu fréquent, mais c'est pas mal, c'est bien. Alors les quatre meneurs ont été convoqués par la direction. Ils ont accepté d'y aller tout seul. Bon, on réfléchit à ça parce que la direction a isolé les quatre personnes qui posent les premiers les caisses. Ils posent les caisses, ça se passe comme ça. On ne sait pas si. Enfin, c'est très bizarre que les gens aillent après, ils sont convoqués parce que. Bon, enfin, en ce moment, on réfléchit à voir la réponse qu'on peut donner aux gens comme solution pour résister à la pression patronale en cas de débrayage spontané. Tu as raison, hein. C'est sûr qu'il faut le maximum chercher l'information. Parce que ça fait partie de l'extension des luttes aussi. C'est-à-dire, si on est au courant, on a plus de pouvoir faire. Parce qu'on sait où il y a. On sait plein de choses. Et dans le chapitre « Faire passer l'information », je dirais que, par exemple, là, lundi prochain, à la fac, justement, il y a une AG très importante, où il y aura beaucoup de gens extérieurs à la manif qui ont été invités par les Libertafac et autres réac pour venir peser dans le vote, puisque c'est un vote, puisque c'est un social-démocrate, pour venir empêcher la reconduction du blocage de la fac. Moi, j'ai assisté juste à la fin de l'AG, où j'ai vu que les étudiants ont voté en quasiment tout l'amphithéâtre, ont voté oui pour le fait d'avoir une sorte de communiqué pour les travailleurs en général, signé par des syndicats, je ne sais plus exactement ce que ça disait, mais c'était de rallier... En gros, ce qui se dit, c'est un truc un peu dans le cadre, enfin, tard, c'est... vu qu'on peut s'entendre et que les syndicats ne reconnaissent pas la légitimité de l'assemblée générale et des comités de lutte, c'est un texte qui est signé par les syndicats étudiants, disant que eux, les syndicats étudiants, ils reconnaissent la légitimité du comité de lutte et de l'assemblée générale, et demandent que c'est avec eux qu'il faut, c'est avec le comité de lutte et de l'assemblée générale qu'il faut prendre les choses, etc. En gros, tu as tous les étudiants qui ont voté pour que se fasse ce communiqué. Or, les syndicats n'ont pas voulu le signer. Après, il y a la FSE qui a écrit le truc et qui l'a signé. Sud, eux, ils disent non, parce que nous, on est pour notre organisation et pour notre objectif. Donc, nous, on va dire que oui, on est d'accord avec ce texte, mais on va pas signer le texte, on va écrire un texte à côté qui dit qu'on est d'accord avec le texte. Et l'UNEF qui refuse catégoriquement de signer apparemment. Bon, et par rapport à lundi, donc il y a cet AG. Qu'est-ce que. Voilà, c'est intéressant d'y aller dans cet AG, c'est intéressant, on ne sait pas ce que ça donnera cet AG, mais c'est intéressant d'y faire des tracts. On parle de clarification des idées, de bataille des idées, de bataille de l'esprit, mais ben, quand il y a du monde, il y a du monde à qui il faut y faire des tracts. C'est plus déjà l'attaque, un tract, tu distribues un tract, ça dure deux secondes. Quoi, le camarade, là, en l'occurrence, c'est un camarade, a dit que, et il n'a pas tout à fait tort d'ailleurs, enfin ça dépend après ce qu'on appelle la victoire, mais en tout cas, il a raison de dire que jusqu'à ce qu'on ait la révolution finale, ça a gagné. Jusqu'à la révolution vraiment. Jusqu'à la victoire, finalement, on n'aura que des défaites. C'est une palissade en même temps, mais c'est frustrant, évidemment que c'est frustrant. Mais c'est ça, mettre les mains dans le cambouis, c'est pas que se faire plaisir et puis avoir que du fun. Et... C'est clair qu'aujourd'hui, on est quand même dans une période un peu d'effervescence, enfin, au moins momentanément, quoi, dans les luttes. Enfin, on le voit un peu partout et pas qu'en France, quoi, qu'il y a un mécontentement général de la classe exploitée, de ses conditions d'exploitation. Et surtout des perspectives que lui offre le système. Parce que si on n'est pas content des conditions dans lesquelles on vit, on travaille, on passe toute notre existence, on n'a pas en plus de perspectives d'amélioration, quoi. Sur le plan social, humain, et sur le plan écologique, c'est encore plus désastreux, enfin, à tous les plans. Et pour autant, dans les moments d'effervescence comme aujourd'hui, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, on sent pas un déclic vraiment marqué, quoi. C'est vrai qu'il y a des élans qui se dégagent, mais ça aboutit pas. On est toujours un peu frustré. Et là, je rejoins tout à fait ce que tu dis. Et je le comprends très bien, quoi. C'est vrai que quand on approfondit des questions politiques en se disant mais il y aurait une nécessité d'étendre des luttes ou d'aller vers telle ou telle action, enfin, on sent toujours une réticence de la classe ouvrière dans la continuité des luttes. Et je pense que le désarroi en fait dans lequel se trouve la classe ouvrière, ce qui est réel, il y a un mécontentement qui est réel, mais il y a quand même je pense que la plupart des ouvriers sont dans le désarroi, comme face à la crise. On voit des chiffres, on voit la bourse qui s'écroule, qui remonte, qui s'écroule, qui remonte. On est là, on regarde ça, c'est beau, il y a plein de chiffres. On ne comprend rien. Après, quand on nous parle de milliers de licenciements, ça parle un peu plus. Mais que faire, quoi. Enfin, on en revient toujours à ces questions de désarroi. Et pour ça, je pense que, qu'il y ait une réelle solidarité, et une réelle action concrète, quoi. Pas marquée de désespoir. Il faut qu'il y ait une perspective et une perspective qui naisse d'une nécessité d'aller vers des objectifs. C'est-à-dire que la classe ouvrière, et je dis on, se sentira moins dans le désarroi, dans l'impuissance, quand on saura concrètement vers quoi on veut aller. Quand on aura su mettre un nom sur la bourgeoisie, sur le capitalisme. Et quand je dis on, c'est pas nous autour de cette table aujourd'hui, c'est nous, ouvriers majoritaires sur la planète Terre, quoi. C'est à un moment donné, on prend en main, l'humanité évolue et prend en main son outil de production, ce qu'elle a mis des siècles, des milliers d'années à élaborer, tous les moyens techniques, elle les met au service de ses besoins. Et ça, c'est à dire comme ça, c'est facile, c'est certes, mais en prendre conscience et en prendre acte, c'est long. Ça se fait pas tac, spontanément. Comme ça, l'humain, il existe depuis des millions d'années, 2-3 millions d'années. Et c'est un processus d'une évolution. On est à un moment où l'humanité a des perspectives à prendre, quoi. Enfin, et une conscience historique à avoir de la réalité, de la période dans laquelle elle se trouve, et des enjeux que représente cette période. Parce qu'aujourd'hui, je pense que je parlais de l'écologie, c'est quelque chose qui est très marquant, mais les enjeux de la période sont se révèlent dans le problème de l'écologie, aussi bien que dans le problème de la misère dans le monde. Et dans un sens, c'est cette misère et ce problème de survie de l'humanité, puisque avec la crise de la faillite historique du capitalisme, c'est de ça dont on parle. C'est la survie de l'humanité finalement qui est mise en jeu. Ben, c'est un facteur quand même de prise de qui aide à la prise de conscience du prolétariat dans son ensemble et qui va unifier l'humanité dans la lutte. Et en l'unifiant, comme il peut l'unifier de manière locale, momentanée dans des luttes, dans des grèves, il prend conscience du pouvoir qu'il a, du rapport de force. C'est dans la lutte que le prolétariat prend conscience de ça. Parce que tout à l'heure, je parlais organiser les moyens de production à l'échelle globale, que ça réponde à des milliards d'individus. C'est vrai que dit comme ça, ça fait complètement abstrait. Parce qu'on se dit, ouais, mais comment on fait? On est 6 ou 7 milliards d'ouvriers, comment on fait? C'est clair qu'on n'a pas la réponse, là, ça paraît complètement irréalisable. Et pourtant, quand on est dans la lutte, qu'on s'organise en AG et qu'on discute avec une réelle solidarité, non seulement c'est possible, mais c'est nécessaire. Que le reste ne fonctionne pas, ne fonctionne plus. Donc c'est comme ça dans la lutte que le prolétariat prendra conscience du rapport de force qu'il a, qu'il peut imposer, et des perspectives que lui permettent de développer ce rapport de force qui est en sa faveur. Et pour ça, pour avoir un rapport de force en sa faveur, il faut que il est temps, c'est lui, il faut qu'il y ait une réelle, un élan de solidarité, puisqu'aujourd'hui, on est dans une situation qui est escalée avec une dictature bourgeoise et une répression ouvrière, une répression de la classe ouvrière qui nécessite un élan de solidarité mondiale. On voit les prémices de cet élan de solidarité, ou en tout cas d'une extension de lutte, et c'est vers ça qu'il faut aller. Et j'avais envie de revenir un peu par rapport aux étudiants, aux luttes étudiantes aujourd'hui. On en parle beaucoup, et c'est vrai, enfin, aussi concrètement, au jour le jour, je pense qu'il faut pousser tous les mouvements au maximum de leur potentialité, et de leur potentialité d'extension. Parce que ce qui compte avant tout, c'est de garder cette perspective, ce but révolutionnaire à atteindre, qui n'est pas un but en soi, de révolution en soi, mais qui est un but, un objectif de survie de l'humanité. Je crois qu'il ne faut pas perdre de vue les enjeux qui se jouent actuellement. Et on ne peut pas prendre un problème des réformes, des universités, en dehors du cadre historique, du problème mondial dans lequel on vit aujourd'hui. Quand on regarde autour de nous, on se rend compte qu'il n'y a pas que dans les facs que ça chie, quoi. Enfin, et il n'y a pas que en France non plus. Et chercher la solidarité, c'est mettre ça en avant. C'est mettre en avant la nécessité de changer la société d'un point de vue global. global et montrer que les problèmes qu'on a dans tel ou tel secteur, on les retrouve peut-être sous d'autres formes, mais qui ont les mêmes causes, en tout cas dans d'autres secteurs. Et la solidarité, elle naîtra d'une nécessité commune et comprise. Comprise au sens où il y aura une conscience politique de cette nécessité. Et pour ça, voilà, il faut mettre le doigt sur le fait que, bah, il y a une faillite historique du capitalisme. Et donc on ne peut plus, là je pense qu'on est tous d'accord, mais on ne peut pas réaménager le capitalisme pour qu'il fonctionne bien, donc il faut le détruire. Ok, si on est d'accord là-dessus, comment on fait? Et on ne va pas le faire aujourd'hui, mais en tout cas on va le faire en poussant de plus en plus les luttes, en les poussant vers l'extension. Voilà, donc je voulais juste finir. Voilà, alors le propre syndicat, moi je pense que le prolétariat est plus ou moins conscient du rôle du syndicat par rapport aux directions, par rapport au rôle de la société, qui agit un peu comme le délire politique. On parlait aussi tout à l'heure des partis de gauche et d'extrême gauche qui sont un rôle contre-révolutionnaire. Et là, je voudrais rebondir sur l'œuvre de Pankou, sur l'œuvre des conseils ouvriers, qui est les soviets. C'est une bonne idée. Pour moi, c'est le marxisme-lénisme, la seule marxiste à la de suite. Alors, mais faut quand même prendre garde que même ça peut le capitalisme pour récupérer. On peut récupérer ce mode d'organisation. Il y a quelques jours, on est allé tracter à Molex, à Villemur, les coquins sont allés là-bas. On avait fait un tract où ça parlait de tuition, de chien, tout ça. Et apparemment, les gens, ils avaient l'air d'être intéressés. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Il y a Attaque qui va se proposer pour les ouvriers, comment faire le corps, et ceci et là. Sauf que c'est toujours dans le cadre du capitalisme. L'autogestion dans le cadre du système capitaliste, ben, ça signifie travailler plus pour gagner moins et être toujours esclave. Voilà, alors ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas trop entendu, c'est que même si c'est pas une bonne idée, il faut faire attention de ne pas se faire récupérer par les capitalistes et les contre-révolutionnaires. Et puis il faut aussi avoir espoir. Je t'ai entendu, j'avais l'impression d'être pessimiste à la classe ouvrière. Moi, tu sais, je travaille dans l'aéronautique et moi j'ai entendu des gens qui ne sont pas particulièrement politisés avoir une critique. Ça vaut du point de vue. Avec le vertige en moins, mais ça vaut quoi. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a des luttes qui se développent, qui commencent à. Et puis qui s'essoufflent. Et puis qu'ils s'éteignent, c'est vrai. Et je pense qu'on attend un peu trop et on cherche une réponse qui résout tout, quoi. Un peu une idée miracle. C'est un peu de ça que j'ai retenu de ce que tu as dit, là. C'est un peu... Et je vais simplifier en disant que le seul catalyseur valable pour initier une révolution, c'est la nécessité. Mais pas une nécessité matérielle comme il y a en ce moment, et qui pousse les gens à des revendications matérielles. Alors moi je me dis que le capitalisme, il n'a pas tenu ses promesses, et de toute façon il ne les tiendra pas. Donc à partir de là, la nécessité de se créer des perspectives va se développer automatiquement. Et là je dis, attention à ce moment-là, à ne pas avoir le réflexe d'adhérer aux donneurs de leçons, et aux recettes toutes prêtes qu'on pourra nous mettre sous le nez. Voilà. J'ai terminé au suivant. Ouais, je voulais juste rebondir pour avoir ce que tu disais. En fait, une proposition qui court dans ma tête depuis longtemps. Je disais, quelle société on propose? C'est vrai, enfin, sincèrement, dans le mouvement libertaire, on se la pose rarement sérieusement, cette question-là, même entre copains avec qui on partage la plupart des choses. La question de comment on va l'organiser, cette société libertaire, ce sera d'ailleurs Pankup, c'est intéressant là-dessus, parce que ce sera des conseils, il y aura juste des conseils d'usine, il y aura des soviets, il y aura des assemblées populaires, on ne sait pas très bien quoi. D'ailleurs, d'une, je crois qu'on a rarement de discussion de fond là-dessus entre libertaires, quelles que soient les différentes appartenances, et enfin, vraiment, je leur dis, je pense qu'on perd en force à se diviser entre nous, quelles que soient nos appartenances sur nos modes d'action. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer une journée qui serait, sur laquelle on travaillerait longtemps en avance, une journée de débat, forum avec l'ensemble de la ville sur, en gros, je sais pas, on pourrait appeler ça, quelle société propose des anarchistes ou quelle société anarchiste, comment dépasser le capitalisme, etc. Et où il y aurait tout le monde, ce serait à la fois une base pour se commencer à retravailler tous ensemble, tout le monde, quoi, les deux CNT, CGA, OCL, tout le monde, quoi, non organisé, autonome, je sais plus quoi. Les distinctions, là, me paraissent même grandes, mais plus intéressantes du tout, surtout selon les modes d'action. Moi je dis, je suis au Vignoble, je me retrouve à faire des trucs d'autonome sur certains trucs parce que là on n'est pas en tant que syndicat, c'est des dissociations qui me paraissent ne plus avoir d'intérêt, en tout cas qui nous divisent, et bon, tant qu'on est divisé on est moins fort. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer d'ici quelques mois, après une série de rencontres, une vaste journée forum avec un truc central sur la ville où l'ensemble des gens pourraient venir et qui serait le lieu d'une discussion, le lieu déjà de commencer à retisser des liens entre les anars, et surtout une vitrine face à l'ensemble de la ville sur, regardez, les anarchistes, c'est le degré suprême de l'organisation, on a des choses à proposer, on a de l'expérience, on a des idées, on a des convictions, et ce sera pas le bordel, etc. Enfin, essayer d'avoir à la fois un lieu d'union entre nous et un lieu de vitrine vis-à-vis des gens, parce que mine de rien, même tu disais sur... Il y a des gens dans l'aviation qui peuvent servir le même type de discours que Pankow sans l'avoir lu. Mais un peu partout, il y a des gens qui sans avoir lu ni Marx, ni Bakounine, ni je ne sais quoi, qu'on ne peut plus de l'état du capitalisme et qui ne voient pas vers quoi on peut aller. Et même entre nous, on a rarement cette discussion-là sur comment on l'organise, la société autogérée, la société libertaire. Et donc voilà, c'est une idée. Je pense qu'on aura le temps, de toute façon, on se croise sur différents lieux. Est-ce que, que les gens commencent à y réfléchir, est-ce que ce serait pas intéressant d'avoir une journée forum? C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on a eu un débat entre tous les hommes, et on en est arrivé aux mêmes conclusions sur le fait qu'il faut absolument savoir vers quoi on veut aller, vers quelle société il faut organiser. On s'est dit tout ce qu'il fallait organiser, un débat pour voir chacun quelle idée on avait de sa société. Donc c'est vraiment ça, quelques piles sur ce que tu dis, je pense que c'est pas intéressant. Donc l'invitation est lancée. Tu veux vite fait intervenir. Oui, alors tu dis comment est-ce qu'on organiserait la société libertaire. La société libertaire, elle doit naître une continuation de la lutte qu'on aura menée pour y arriver. Donc, pour arriver à cette société libertaire. Et les valeurs de cette société libertaire, elles ne peuvent avoir une réalité que si on développe les qualités qu'on veut de cette société libertaire dans la lutte qu'on va mener, justement. Et moi, je me dis que ce que tu dis, c'est une bonne idée, là. L'histoire de vitrine ne me plaît pas trop, ce mot ne me plaît pas trop, mais... Ce qui est important de savoir, c'est qu'il ne faut pas commettre l'erreur d'avoir des compromis avec tout ce qui est de près ou de loin relié, d'une manière ou d'une autre, avec le pouvoir du système. Voilà, c'est ça, c'est l'erreur à ne pas commettre. Tous les échecs, ils ont cette origine. Alors, je ne suis pas un grand théoricien, mais au moins ça, je pense que je l'ai bien compris et que je l'ai bien dans la tête. Pas de compromission avec une organisation ou un groupe, quel qu'il soit, qui ait des mailles à partir avec le pouvoir, ou qui tient un discours qui, d'une manière ou d'une autre, donne des qualités au pouvoir. Le pouvoir, il est négatif sur tous ses aspects. Voilà, j'ai terminé. C'est une discussion. Je vais clore le débat sur... On invite tous à réfléchir sur ce qu'ils vont faire, une vitrine. Il n'est pas bon, donc on va le rayer. Moi je dirais même, ta proposition c'est comment envisager une autre société pour demain, mais je la cantonnerai pas la réflexion uniquement au groupe anarchiste. Moi j'inviterai les gens de bonne volonté. Voilà. Pas uniquement si tu veux faire une alliance anarchiste ou. Voilà. Non, mais disons, sur l'organisation du truc, parce que enfin, moi, je me sens pas d'organiser ça, je l'ai d'accord. Pour l'organiser, d'accord. Quand même, sur quelques bases. Oui.